Je me souviens qu'adolescent, je te chantais déjà ma chanson. Je la tenais de mes parents qui me l'avaient chantée très souvent. Nous n'étions pas toujours très sages en effeuillant la fleur de l'âge. Et quand soudain tu rougissais, malgré ma voix qui cassait, je t'apprenais à chanter. Avec un petit peu de toi, un petit peu de moi, un petit peu chaque jour. Avec un petit peu de nous, un petit peu de tout, tu vois c'est ça l'amour. Ça fait 10 ans déjà que le bonheur est comme un oiseau. Il a fait son nid sous le toit pour mieux nous surveiller de là-haut. Et quand par hasard un nuage nous prépare quelques orages, il connaît le refrain par cœur quand je te prends sur mon cœur pour te chanter la chanson. Avec un petit peu de toi, un petit peu de moi, un petit peu chaque jour. Avec un petit peu de nous, un petit peu de tout, tu vois c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Quand les enfants de nos enfants auront aussi appris ce refrain, soudain nous nous apercevrons qu'il est déjà très long le chemin. Le temps a passé, c'est dommage, mais notre amour lui n'a pas d'âge. Et un peu gauche, un peu nerveux, de la buée dans les yeux, nous chanterons avec eux. Avec un petit peu de toi, un petit peu de moi, un petit peu chaque jour. Avec un petit peu de nous, un petit peu de tout, tu vois c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. La la la la la la.